Pensée de nuit d'Auguste Lacossade, enregistré pour LibriVox.org. Quand règne l'ombre froide et noire et son mystère, à l'heure de minuit quand tout dort sur la terre, excepté le remords, l'amour ou la douleur, je veille et, triste et seul, je descends dans mon cœur. Je sens dans leur repli mes détresses secrètes, mes doutes, mes élans, mes luttes, mes défaites, l'espoir qui m'a trahi, le rêve où je me plus, et les douces erreurs, hélas, que je n'ai plus. Et comme un pèlerin tombé de lassitude, du fond de ma misère et de ma solitude, je me tourne vers toi qui règne dans l'azur. Ô maître, ô juge, ô père, ami clément et sûr de l'homme, ô toi qui sais, qui vois et qui console, et mon esprit, Seigneur, te parle sans parole. Fin du poème. Enregistré par Lorraine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.